Poil de carotte, la mouche. La chasse continue, et Poil de carotte, qui hausse les épaules de remords, tant il se trouve bête, emboîte le pas de son père avec une nouvelle ardeur, s'applique à poser exactement le pied gauche là où Monsieur le Pic a posé son pied gauche, et il écarte les jambes comme s'il fuyait un ogre. Il ne se repose que pour attraper une mûre, une poire sauvage et des prunelles qui resserrent la bouche, blanchissent les lèvres et calment la soif. D'ailleurs, il a dans une des poches du carnier le flacon d'eau de vie. Gorgée par gorgée, il boit presque tout à lui seul, car Monsieur le Pic, que la chasse grise, oublie d'en demander. « Une goutte, papa ?» Le vent n'apporte qu'un bruit de refus. Poil de carotte avale la goutte qu'il offrait, vide le flacon, et la tête tournante repart à la poursuite de son père. Soudain, il s'arrête, enfonce un doigt au creux de son oreille, l'agite vivement, le retire, puis fait un écouté. Et il crie à Monsieur le Pic. « Tu sais, papa, je crois que j'ai une mouche dans l'oreille. » Monsieur le Pic. « Ôte là, mon garçon. » Poil de carotte. « Elle y est trop avant. Je ne peux pas la toucher. Je l'entends qu'elle bourdonne. » Monsieur le Pic. « Laisse-la mourir toute seule. » Poil de carotte. Mais si elle pondait, papa, si elle faisait son nid? Monsieur le Pic, tâche de la tuer avec une corne de mouchoir. Poil de carotte. Si je versais un peu d'eau de vie pour la noyer, me donnes-tu la permission? Verse ce que tu voudras, lui crie Monsieur le Pic, mais dépêche-toi. Poil de carotte applique sur son oreille le goulot de la bouteille et il la vide une deuxième fois, pour le cas où Monsieur le Pic imaginerait de réclamer sa part. Et bientôt, Poil de carotte s'écrie allègre en courant. Tu sais, papa, je n'entends plus la mouche. Elle doit être morte. Seulement, elle a tout bu.